This is California Spirit with Chris Morris. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de California Spirit Radio Show. Et nous allons débuter cette semaine par ce monstre de l'industrie musicale, j'ai nommé Mr. Quincy Jones, alias Q, dont la chaîne Netflix diffuse en ce moment un documentaire sur la carrière de l'artiste. Et bien sûr que je vous conseille fortement de regarder. Réalisé par Alan Hicks et Rashida Jones, la fille du légendaire producteur, le documentaire Quincy retrace la vie et les 70 ans de carrière de Quincy Jones. Recordman de victoire aux Grammy Awards avec 79 trophées pour ses contributions à des dizaines de chefs-d'œuvre jazz, soul, pop et orchestraux. Ce documentaire Netflix comprend, outre de nombreuses images d'archives rares et inédites, des participations de Barack Obama, Will Smith, Dr. Dre, Kendrick Lamar, Oprah Winfrey, Snoop Dogg, ainsi qu'une nouvelle chanson, Keep Reachin', enregistrée avec Mark Ronson et Chaka Khan, que je vous propose d'écouter dès à présent. Welcome, c'est Chris Morris qui vous accompagne pour cette session pure calif. cruising along with music of California's coast with Chris Morris on the California Spirit Radio Show. Hi, this is Sean Lee from Young Gun Silver Fox, and you're listening to our brand new album AM Waves on California Spirit Radio Show with Chris Morris. It's 11:45 in the middle of the week, and a chill is running through the air. As I make my way down a dark side street, lighting up a cigarette. Ah, ce sont deux artistes bourrés de talent qui composent les Young Gun Silver Fox. Sean Lee, sous le pseudo de Silver Fox, en compagnie d'Andy Platz, Young Gun, et leur second album AM Waves a été enregistré en Angleterre, là où est installé eh bien, Sean Lee depuis déjà quelques années, et nos deux chanteurs musiciens s'en sont donnés à cœur joie pour imaginer des chansons comme au temps de Steely Dan, Doobie Brothers et Hall & Oates. On pourra même élargir jusqu'aux Carpenters, aux Bee Gees, à Stevie Wonder et à certains artistes Motown, tant la palette sonore de ce duo est large. California Spirit Radio Show, your weekend West Coast habit.

shining so bright. You're never so far away. Always a chance to find a new romance. So much to win, nothing to lose. So many roads to choose. Do something true to yourself. Shake off those blues. If you still wonder why I had to fly, leaving without saying goodbye, my instinct was to survive, not just hide away. Ah, cette douceur nous vient du nord de l'Europe et plus particulièrement de la Norvège. Et c'est une nouveauté. Elle s'appelle Rose Annette Baptiste et sort ce nouvel EP composé de deux titres, pour l'instant, dont Time to Move On, où l'on retrouve les excellents musiciens suivants, Peter Frested, Stefan Gunnarsson et Kenneth Eriksen, le tout sous la houlette de Monsieur Tom Hansen, qui nous a promis d'ailleurs, dès le mois de novembre, un album Taste of California Volume 2. On est très impatients de cela. This is Roy Braverman from the USA, loving the golden grooves and smooth moves of California Spirit Radio Show, wherever I go. California Spirit, extra gold. When there's nothing left but stardust, when California Spirit Radio Show avec cet immense artiste, Mr. Bill Abounty, dans le transistor. Avec ce titre, That's When Something Special Starts, que vous retrouverez d'ailleurs dans l'excellente compilation California Groove Volume 4, sortie chez Warner Music France et composée de pas moins de 6 CD, avec donc des démos rares de Bill Abounty, grand, très grand artiste donc du sud-ouest américain. California Spirit Radio Show, your smooth sound drive on Sunset Boulevard. Something better, make a house a home. sticks and stone, but you can make something better. Make a house a home. When one can make it over, that wall that seems so high, standing on my shoulder, and we can touch the sky. Yeah. Les Mama's Gun, avec oui, et le quintet fait revivre depuis 2009 le son soul funk des années 70, celui de la Motown, de Earth, Wind & Fire ou de Stevie Wonder, dans un esprit pop et dans un style plus flamboyant que jamais, si l'on juge par la qualité de Golden Days, qui est bien sûr leur dernier album. Après trois albums, ce collectif emmené par Andy Platt, oui, encore lui, est basé à Londres, que l'on classera dans la vague néo-soul, celle de Charles Bradley, par exemple, les Fields ou Mia Hawthorn, présente une production parfaite dans laquelle on plonge immédiatement et sans retenue grâce à des morceaux mid-tempo égorgés de soleil, un disque à écouter le matin pour démarrer la journée du bon pied. Nothing like the sunshine, the sea and smooth silky grooves on the California Spirit Radio Show. Thank you. Cet album Paris Rain de Brenda Russell, eh bien, date de l'an 2000, quand celle-ci reprenait du service après cette année de longue absence. L'album qui inclut des collaborations avec Carole King, Dave Coase et Chilari est très intimiste dans sa production et plus axé IOR que pop music. On adore, bien entendu. Hitchhike along with Chris Morris on the highway of classic hits, California Spirit Radio Show. Could be loving you right now. Dan Seals, de son vrai nom Danny Wayland Seals, qui n'est autre que le jeune frère de Gene Seals, membre du célèbre duo Seals and Croft, qui s'est fait connaître lui aussi avec un duo Ingon Dan et John Ford Corey bien avant sa carrière solo. Et là nous étions en 83 avec la sortie de Herbinger, son deuxième album en tant qu'artiste solo. California Spirit Power Play. Hey, this is Diane Birch, and this is my new single, In It For The Race, on California Spirit Radio Show with Chris Morris. Finger to the sky, low on ammunition, you're the only enemy. Changing on the fly, boy, my premonition never tells a lie. Y'all just in it for the race. Elle s'appelle Diane Birch, c'est notre powerplay de la semaine, et ce titre In It For The Race vient à point pour cette rentrée automnale, de quoi agrémenter vos belles soirées d'un été qui n'en finit pas et qui est indien comme ce génie de Sean Lee qui produit ce titre. California Spirit Radio Show, that West Coast coolness wherever you are. Hi, this is Quint Starkey, and you're listening to my new album, Ghost in My Heart, on California Spirit Radio Show with Chris Maurice. Sometimes it takes a miracle for a dream to come true, but a miracle occurred. And now that you're here, every day is a gift. Each morning you wake me with a smile on your lips. There's one more star in the sky tonight. The sun always shines whenever you smile. It took a little while for this dream to come true, when all of my dreams became a little part of you. end of time. Just keep your eyes open and soon you will find there's one more star in the sky tonight. The sun always shines whenever you smile. It took a little while for this dream to come true. When all of my dreams became a little part of you. Titres composent ce tout premier album de Queen Starkey, Ghost in My Heart, et comme la semaine dernière, je réitère mes propos, ce disque est vraiment mon coup de cœur et nous le parcourons ensemble depuis le début de cette saison avec cet extrait Little Part of Me, et l'artiste a voulu nous emmener avec des textes qui reflètent des tranches de sa vie, ayant pour sujet l'amour, la vie, la naissance et la mort. En résumé, un album rempli d'émotions, on adore ici, je ne peux pas le cacher. Every couple of weeks, find us for the best vinyl sessions of the 70s and the 80s. Only on California Spirit Radio Show, Chris Marks. Every time you bite my lips. Bring your body to me. We're sincere with our jealousy and fights. We never missed. Our fervor distracts us. Sweetest berry of soul. In a conversation, we agree to have it open. Take it for granted. We must get it over. I am feeling more than blessed. Finally we got back. Got to be real. Every time you call my name. Got to be real. Every time you bite my lips. Baby, bring your body to me. We agreed to have it open. Take it for granted. We must get it over. I am feeling more than blessed. Finally we got back. We got back. Every time you call my name, got to be real. Every time you bite my lips, bring your body to me. To me. Ah, qu'est-ce que nous sommes heureux de vous faire découvrir tous ces nouveaux albums de cette rentrée, et plus particulièrement celui-ci, Criterion of the Senses, de Mr. Enmota, qui dit de lui, ouvrez les guillemets, « Je suis un collectionneur, un genre de gargantua des notes, des mots, des dessins, d'amour, de vin. J'ai plus de 30 000 LP dans ma collection. Oui, cela fait partie de ma personnalité. Objectivement, c'est ce qui me pousse à faire de la musique, à me mettre au piano et être le meilleur à chaque création. » Eh bien, sachez que le Colosse de Rio sera en date unique en France le 30 octobre prochain au New Morning, et c'est à Paris. Une virée dans la capitale s'impose, n'est-ce pas? This is Lindarella Ray and Roy Braverman taking a smooth sound trip on Sunset Boulevard with Chris Morris on the California Spirit Radio Show. California Spirit. Outside the stadium, rocking the dread moraine at the wheel. Et nous finissons en beauté hein, avec ce masterpiece de 1980, The Glamour Profession, de ce groupe mythique Steely Dan, formé, je vous le rappelle, du regretté Walter Baker et de l'illustre Donald Fagen, extrait de cet album, Gaucho. Et notre liberté de diffusion nous a permis de passer en intégralité ce titre qui dure tout de même 7 minutes et 28 secondes, impossible à ce jour, pour quelques groupes ou artistes que ce soit, d'étendre autant la longueur d'un titre à formatage. Tu essaieras de nous tuer, mais pas nous. Et pour finir, nous noterons une tournée de Steely Dan sur le sol britannique tout le mois de février prochain avec Steve Winwood en première partie, en espérant les voir sur le sol français très prochainement. Voilà, quant à nous, cette émission est terminée. Je vous souhaite de passer une excellente semaine à l'écoute de nos programmes. On se dit bien sûr à la semaine prochaine. Salut, à ciao. California Spirit is presented by West Coast Music Magazine on www.musicfromthewestcoast.com.